Quoi dans ce jour de deuil, Anira, et t'arrête. Yeah. Oh,

fiamma me il t'appartier tus. Sì. Pur qua s'esalare, pur recoleti si le pouvoir de te charme. Thank you. doit attendre. Et la paix qu'en leur nom je venais t'apporter. Ils repoussent la main, je daignais leur tendre. Toi qui les vis combattre, en pourrais-tu douter? Sais-tu qu'en ce moment de notre mort chaleuse, l'honneur de garder ce rempart. Nos vierges en deuil, nos épouses de la palme funèbre ont réclamé leur part. De votre repas tout respire l'ivresse, tandis que panira le champ d'allégresse, accueillant avec flet frissant. Et sur le tombeau de la Grèce, ose couvrir son front de fleurs teintes de sang. Fuir, oh, fuir, rien ne peut te soustraire. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis. Oh, beaucoup. Celle de mes frères. c'est lui, Néoclès lui ramène, lui demande en pleurant d'embrasser ses genoux. Thank you. Je n'ai plus de faim. Agité et les bois. Oh.